Bonjour, vendredi 5 novembre. Ah, que c'est ça? Eh bien, on voit toutes sortes d'affaires, hein? Parlant de voir toutes sortes d'affaires, il y a un bonhomme que j'ai connu qui est ingénieur chimiste. Un bonhomme intelligent, là. Je l'ai vu dernièrement dans la rue, il parlait tout seul. Il est rendu comme une loque. C'est pas drôle. Ben, c'est pas drôle. Ça dépend comment on voit ça. On n'est pas non plus pour. Bon. C'est sûr qu'il faut avoir de l'empathie et de la compassion, mais en même temps, le gars, il souffre pas autant qu'on pourrait le penser. Parce qu'il est rendu délirant comme ça. La personne est. Comment on disait ça dans le temps? La personne n'est pas toute à elle. Donc, c'est pas une souffrance. C'est sûr qu'il y en a de la souffrance, là, mais. En tout cas. C'est une forme de conscience, hein, la souffrance. En tout cas, s'il y a de l'intégration de la conscience. Donc, quelqu'un qui est rendu inconscient à ce point-là, c'est sûr qu'il ne souffre pas comme nous, on l'entend. Il est dans un monde onirique, c'est un peu comme s'il rêvait. Donc, qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Ah, le 11 du 11, il se prépare des choses, là, des madames. Ouais, j'aime autant pour regarder ce qui se passe de ce côté-là parce que ça me manque à l'heure. Puis il y en a qui sont encore des restants là, de sont spirituels au sens naïf. Là, puis ça les choque que je sois choqué. Ils n'aiment pas ça. Bonjour, Isha, je me prépare pour faire mes courses. Maintenant, je reste si j'ai fait plus tard. Ben non, madame, si vous avez des commissions à faire, il faut les faire. Ça va. Il faut tout le temps mettre en priorité la vie concrète, les choses de la vie matérielle avant n'importe quoi d'autre. C'est une question de priorité, là. Bon matin. Ben, c'est pas vraiment le matin, c'est plus l'avant-midi, je dirais. Je suis levé depuis longtemps, là, à cette heure-là. Bon matin à vous. Donc, oui, la madame, là, de la biologie totale. Il y a d'à peu près 12-13 ans, j'avais ma conjointe de ce temps-là, puis quand on parlait de cette dame-là, on l'appelait la madame de la biologie totale. Je l'ai regardée une fois, elle était sur un podium, une scène, puis elle parlait, puis elle tremble comme une feuille. C'est pas bon signe, ça. Ma grand-mère de 94 ans ne tremble pas comme ça. Donc, les cours jusqu'au 20, 20h30, j'ai ah bon. Ah bon, c'est vous qui gérez ça aussi, il ne faut pas non plus obéir à tout ce qui vient de l'extérieur. C'est jamais une bonne affaire. Là. Faut, si jamais vous me voyez comme une autorité sacrée, le camp, il ne faut pas. Bonjour, Carole, Eugénie de la Lande. Oui, Marie-Jeanne, certaines choses peuvent être. Ouais, ben là, ça commence à presser pour d'autres choses. Bonjour. Ah. Qu'est-ce que je parlais donc? Ah oui, la madame de la biologie totale qui avait écrit, vous vous souvenez, la mafia médicale. J'ai bien de la misère avec cette gang-là. Ils vont se mettre dans la marde. Il y a une naïveté là-dedans. Je l'écoutais, quelqu'un qui a mis un extrait, disait, l'autorité suprême est dans l'ordre, gna gna gna. C'est comme des vieilles vibrations, des. C'est supposé être nouveau, cette affaire. Ben, nouveau, non. C'est plus une forme de néopaganisme, je dirais. On est dans du néopaganisme, ces gens-là. Que penses-tu du semblant de recul de la vaccination obligatoire des professionnels de la santé? Ben, moi, je pense que c'est stratégique, que c'est lié à la gestion d'opinion publique parce qu'il s'en vient des buts à atteindre. Hein? Donc, c'est un repli stratégique. Je vois ça comme un repli stratégique. J'ai regardé, Pierre, il décore, il me fait toujours. Moi aussi, il me fait rire, ben, je suis sûr que moi, je ne le ferais pas rire, là. Je ne pense pas qu'il. En tout cas, il est un peu. Bon, il est. On est quasiment, là, on est quasiment dominicain. C'est quasiment une mentalité de. On est quasiment là-dedans des. Bon, en tout cas. Mais, oui, là-dessus, je vois les mêmes choses que lui, dans le sens que c'est très malsain. Je trouve ça malsain. Mais, c'est pas grave, là. Cette madame-là, vous pensez qu'elle souffre pas, cette madame-là? Les grosses, grosses souffrances expérimentales, c'est pas pour rien qu'elle tremble comme ça. Le système nerveux est fini. Pauvre madame. Donc, Ici, le but de toute cette mascarade était juste de nous faire très, très, très peur. Ben, bon, ça marche pas, en tout cas, dans mon cas, là. Mais c'est sûr que, bon. Lanchette et Sabib qui ne sait pas lire correctement. Ben, ça prend contact avec l'esprit, si on peut dire. Puis aussi, il y a eu plein d'affaires, mais j'ai pas envie de tomber là-dedans parce que je l'aime, lui. Bon, je suis pas pour me mettre à dire que c'est un pas bon puis qu'il est pas correct. Je le sais que dans le fond, c'est pas vrai. Donc, il a le droit de faire son parcours à lui, puis il a le droit d'être dans sa patente à lui, puis c'est correct. En tant qu'au niveau de l'ensemble, moi, je trouve pas que c'est malsain. Oh! Des petits coups d'un. Bon. Ça, c'est le genre d'affaire qui m'a remarqué. Hein. Ben, c'est sûr, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Hein, c'est ça, les plans. Mais c'est, en tout cas, mais non, la madame, la biologie totale, moi, je trouve qu'elle fait pitié. Je veux pas la nommer. Je trouve que ça fait assez pitié de même. C'est sûr, elle, qu'elle sert. Elle sert à des choses. C'est elle, je promène pas de permis, puis elle l'arrête pas. Elle chauffe son char, pas de permis. Quand on regarde la Bible, personne ne sait décoder comme il faut. Ouais, mais c'est normal, ça. Mais c'est les grandes lignes qui sont importantes. Fait qu'il y a personne qui chauffe son char pareil, mais l'important, c'est de suivre les grandes règles comme elles. Si on peut dire, là. Bonjour, Billy. C'est drôle, c'est écrit comme... Bonjour. Donc, non, moi je l'aime bien, Monsieur Blanchette. Je pense que c'est un bon gars, un bon bonhomme. Puis, mais c'est comme la madame de la biologie totale. Et au moins, moi je suis content qu'il y ait du monde qui en parle, puis qui dénonce un peu, puis qui souligne certaines choses, parce que comme ça, je ressens pas la vibration de l'affaire. J'ai pas envie, moi, de parler de la madame de la mafia médicale. Qu'est-ce que tu penses des obligations VC? La fonction publique fédérale, est-ce que... Je pense pas. Je suis pas sûr. Pour être bien franc, je ne l'ai pas regardé tant que ça. Là. Ça avec la décision qu'ils ont pris d'arrêter de... Moi... Ben, c'est clair qu'on est gouverné par de la finance. Puis que c'est lié surtout à ça, entre autres. C'est comme... Comment je pourrais dire ça? C'est... On est dedans, là, de la... Il y a des mots que j'ose pas dire. Je suis tout le temps en train de. Je fais attention, je fais attention. Mais non, ben moi personnellement, j'ai connu du monde qui était dans la finance. Même quelqu'un qui avait connu Sabia, Michael Sabia. Puis, c'est pas nécessairement du mauvais monde. C'est comme dans n'importe quoi. Mais oui, il y a une partie de notre réalité. Il est là le problème, hein? Notre concret matériel est, se construit en fonction de choses subtiles liées à une systémologie, là, si je puis dire. On devrait se servir des systèmes de cryptographie ou d'encryptage de l'information. En fonction du plan matériel, pas subir le plan matériel en fonction de des systèmes. Mais l'être humain est à l'envers, encore. C'est l'involution, c'est un peu ça l'involution. Non, mais j'avoue que j'ai été frappé un peu là, par ce qu'a partagé là, M. Blanchet sur ce qui est le 11 du 11, là, ce qu'il va y avoir. Puis je me dis qu'il y a des gens là-dedans, ils vont se mettre. Il s'en vient de la souffrance, ça se peut pas, là. Il s'en vient de la souffrance liée à ça, là. C'est sûr que ça marchera pour, à part pour, comment je pourrais dire ça, donc? Il y en a qui veulent être des martyrs parce qu'ils sont encore dans de la grosse spiritualité. Puis même, dans le domaine du supramental, il y en a, ils sont, ben, ils le savent pas, là. Mais c'est de la grosse, ben, de la petite spiritualité. Mais si vous regardez, par exemple, ça vous dit quelque chose? Biotenségrité et psychotenségrité évolutionnaire. Non.

Ben, tout d'un coup, il décide de fonder son entreprise, devient millionnaire, puis il fait de l'évasion fiscale. Ça, c'était un esclave qui a acheté sa liberté. Mais le problème, quand on vit dans une société décadente où l'élite est dégueulasse, là, comme les Romains vers la fin ou d'autres sociétés qui ont subi une décadence, c'est qu'une fois que vous avez acheté votre liberté, il faut pas tomber dans les travers et d'autres influences à un autre niveau, puis là, faire partie du monde qui n'ont pas d'allure, qui sont à la tête de tout ça. Parce que une société, ça n'a pas d'allure d'en bas jusqu'en haut. C'est sûr, parce que c'est comme... Il y a le fait que c'est en toute chose, ce qui est en haut va être ce qui est en bas, c'est certain. Mais dans le sens que... Dans le sens d'une loi systémique des rapports d'influence, entre autres, ça peut se traduire dans n'importe quoi, à n'importe quel niveau. Par contre, ce qui est en haut est en haut, puis ce qui est en bas est en bas. C'est juste comme c'est pas. Vous voyez, là, il y a une. En tout cas, as-tu un travail? J'ai travaillé au noir dernièrement. C'est des choses, ça, que. Non, moi, je suis un proche aidant. Puis je venais à bout d'accumuler des fonds, puis je transige des valeurs mobilières. Puis ça, c'est quand même, c'est presque 40 heures semaine. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit qui disait, ouais, mais il faut mettre des gros montants pour que ça rapporte, oui. Oui, sinon ça fait rien, là. Ça marche pas, là, si vous faites juste 30 pièces par jour. Il faut mettre plusieurs milliers de dollars tout le temps. Puis là, vous allez pouvoir avoir quelques centaines de dollars des fois par jour. La fois que c'est le mon plus beau coup, j'ai fait 900. En quelques minutes, même pas 2 minutes, deux clics de souris, puis un rentrement de code. Mais ça arrive peut-être une fois, c'est assez rare de faire 900 pièces en quelques minutes. Mais là, mais facilement manipulable, trop facile de manipuler l'humanité. Ben oui, mais si l'être humain est facilement manipulable, ça veut dire que ça tient à pas grand-chose le fait qu'il soit créatif dans sa vie. Ça veut dire que ça tient à pas grand-chose, le fait qu'il reprenne sa liberté. Si votre liberté est prenable facilement comme ça veut dire que c'est facile de la reprendre, mais qu'il y a une illusion qui l'empêche. C'est pas normal. C'est pas normal. Si c'est facile de manipuler le monde, comment ça se fait que c'est si dur pour qu'ils reprennent leur liberté? Il y a quelque chose là. Il y a une illusion. C'est pas normal de pas être libre. C'est pas normal, admettons qu'il vous arrive un problème de ne pas pouvoir vous payer un avocat, de ne pas pouvoir vous payer des assurances, de ne pas pouvoir, admettons qu'il arrive un pépin de ne pas avoir rien, puis que d'être à la remorque des événements. On essaie. Pourquoi être à la remorque des événements comme ça? Si c'est si facile que ça de mettre les autres à la remorque, ça doit être facile de reprendre la barre de sa barque. C'est là qu'il y a. Autrement dit, vaut mieux être entrepreneur si on peut. Ben oui. Ben oui. J'ai eu des boss là, de toutes les sortes. Puis le dernier, là, j'ai su que j'en voulais plus jamais. Puis que j'en aurais. J'étais plus capable. Il y a une place, là, il fallait que, à un moment donné, il fallait que je ferme il fallait que je ferme le commerce à 3 heures du matin passé, puis il fallait que je rentre à 7 heures le lendemain matin. 7 heures du matin. À 7 h 30 le lendemain matin. Dans ce temps-là, je ne dormais pas parce que j'avais peur de passer droit. Trouvez-vous que ça a de l'allure? Ça a-tu du sens de traiter le monde de même? J'étais sur le bord de. Je n'ai fait. Ça m'a rendu malade. J'étais tellement en colère. J'arrivais chez moi, là, je me j'en vais, puis là, le téléphone sonnait, puis il fallait que j'y retourne. J'étais là. Dans le fond, faut pas que j'y pense à ça, parce que j'ai pas intégré, moi, la mémoire de tout ça. J'étais encore en crise. Ce monde-là, j'ai encore envie de. C'est intelligent d'améliorer son existence. Ben oui. À moins de vouloir être un martyr. C'est quoi? J'ai jamais compris ça. Si vous êtes capable d'avoir. Si vous avez la vibration d'être capable d'avoir. La capacité de vous contenter de peu, c'est pas comme se l'imposer. C'est différent, là. Il y a du monde qui ont des vies simples, puis qui ont des vies qui n'ont pas grand-chose, qui ont des vies austères, pas parce qu'ils se l'imposent comme des assiettes,

rien. Je suis en colère. Je suis plus en colère contre la population générale que contre le gouvernement. Parce que c'est eux qui rendent possible ça. Donc, je t'invite à voir le premier échange avec David que j'ai fait mercredi. Pas évident. Si jette un coup d'œil un peu tard. Ah, vous êtes le monsieur. Vous êtes le monsieur. Ah, ben, je l'ai écouté hier. En plus, c'est très gai, les couleurs. Quoi ça? Comment je suis habillé? Une chemise beige. Je veux pas. Je vais la serrer, ma chemise beige, parce que là, ma garde-robe d'été, je vais la serrer. Dark Emma, j'ai vu la vidéo. Que pensez-vous de la définition pour taille organique? Ça dépend encore là. La définition, si vous me parlez le terme, OK, mais la définition, il y en a plusieurs. Selon les interlocuteurs. Il y en a plusieurs selon les interlocuteurs. Donc, quelle définition, mais le terme? Le terme, je le trouve moins ajusté. Je le trouve ajusté parce que c'est pas. Si vous prenez, par exemple, là, une personne en tant que constitution, en tant que, c'est-à-dire là, un mental, un vital, un émotif, puis le corps et le portail organique dans le sens d'un terminal. Donc, comme il y en a, là, est-ce qu'il y a des possédés? Ben oui. Mais ça va être de la possession liée à des programmes. Des programmes, des mémoires qui s'anthropomorphisent ou qui prennent. Prenez Bill Gates. Bill Gates, il présente un rocking. C'est-à-dire, il va être porté à se balancer comme ça, là, comme un rabbin devant le mur des lamentations. C'est pas bon signe, ça. C'est pas bon signe parce que ça se fait inconsciemment tout seul, puis ça vient pas de lui. J'ai remarqué que Mario Dumont faisait ça. Il est là comme s'il acquiesçait, puis il écoute quelqu'un parler, puis il est là. Mais c'est un rocking. En tout cas. Dans les lettres de lumière de Bernard, j'ai pu intercepter sa parole sur la colère. C'est vers la fin. Ben, Bernard, il parle de la colère à peu près à toutes les trois enregistrements. Donc. C'est pas évident d'échanger en restant centré quand la synchronisation n'est pas établie de manière à entrer dans la parole, la tendance à ramener sur du psychologique. J'ai fait un live. Non, j'ai pas eu le temps, mais faut que je vais. Ben, le psychologique. Le psychologique, il faut le gérer. Et ce qui est par rapport à une capacité au-delà du psychologique, il faut composer avec. Donc. Si le psychologique ne serait pas gérable, s'il n'y avait rien au-dessus, puis nous sommes gérés quand c'est juste à ce niveau-là. Donc, j'ai voulu faire un live avec Sergio. Finalement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Mais c'est plus pas un live que je voulais. C'était lui voulait une interview. Puis finalement, ça s'est pas fait parce qu'on avait des problèmes techniques. Donc. Ça s'est pas fait. Je voulais que ça se fasse. C'était ça quand je vous disais, j'ai dit il y a quelque chose que je voulais faire dernièrement. J'ai eu des problèmes techniques et puis finalement, ça s'est pas fait. Mais oui, je veux que ça se fasse. C'est ça, là. Finalement, il y a eu des imprévus. Puis aussi, il faut que Sergio n'est pas aussi équipé que David pour faire des entrevues par rapport à des programmes. Donc, de mon côté, il va falloir que je download des choses. Donc, je vais devoir aller dîner bientôt. Il vous empêche de faire un live. Il faut faire attention non plus de ne pas toujours vous chercher à donner un sens et à anthropomorphiser l'événement. Dans le sens que de donner une volonté dans l'événement comme si des êtres vous cherchaient à m'empêcher. C'est arrivé que j'ai senti des forces comme ça. Mais dans le cas de Sergio, c'est tout simplement parce que on est mal organisé, parce qu'on a à apprendre, on a à intégrer, à s'organiser plus, à pas se fier plus tout le temps à l'autre. Parce que moi, je pensais que Sergio avait les programmes, puis lui pensait que je les avais. Puis quand est venu le moment du live, ça n'avait personne qui avait rien. Donc, s'il y en a qui essaient de nous empêcher, c'est mon propre désajustement, celui de Sergio aussi. Là, je vois pas nécessairement, faut pas tout le temps voir des.

colère, si on peut dire. C'est une façon de parler, là, mais. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi, les gens qui sont en Europe. Mais par rapport, là, merci. Ben, vous savez, moi, j'ai pas de. Je mange pour manger, hein. J'ai pas nécessairement d'appétit. J'ai pas une vie bien fun, dans le fond, là. Ah oui, c'est l'heure des saucisses de Toulouse, du chou de Bruxelles. Ah ben, j'aime beaucoup le chou de Bruxelles. Bon ben, bonne journée à tous. Faut que je repère. Ah, c'est pas drôle, hein. À chaque fois, je réapprends c'est où. Hein, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Bon ben, bonne journée, bonne soirée.